Chapitre 5. Politique de l'immatériel. 46. Introduction. Lue par Quentin Renaudot. Chapitre 5. Politique de l'immatériel. Les tours de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, sont situées à Genève, à quelques centaines de mètres du lac Léman. Des fenêtres du dernier étage, on domine les locaux de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui semble bien minuscule en rapport aux immenses bâtiments de l'OMPI, la plus imposante des agences des Nations Unies. C'est pourtant là, derrière les murs de cette institution symbole de la mondialisation sauvage, et pas à l'OMPI, qu'est géré le plus important des traités internationaux sur la propriété intellectuelle, les accords ATPIC qui, au niveau mondial, ont défini les règles en matière de droits d'auteur, brevets et marques. Ce traité aurait dû logiquement échoir à l'OMPI. En tant qu'agent spécialisé, elle est la gardienne de tous les accords internationaux concernant la propriété intellectuelle dans le monde, qu'il s'agisse de la Convention de Berne de 1886 sur le droit d'auteur, du traité de Rome sur les phonogrammes, celui de Genève sur les brevets ou des accords de Madrid sur les marques. Ce dernier traité, qui demeure à la fois le plus général de tous et le plus déséquilibré, lui a pourtant échappé. Que s'est-il donc passé ? À la question, le directeur général adjoint de l'institution, Francis Gurry, confirme que les États-Unis se sont refusés à négocier, à part un texte bâti sur mesure pour Hollywood et l'industrie pharmaceutique. Les administrations Bush, puis Clinton, savaient que les pays en développement s'opposeraient à un pareil cadeau, qu'ils chercheraient à se prémunir contre l'impossibilité de copier les médicaments indispensables à la santé publique, à imposer aussi des limites à un copyright jugé trop étendu, de manière à donner un peu de latitude à leurs systèmes éducatifs. C'était plus facile pour les États-Unis d'obtenir ce qu'ils voulaient là-bas, convient Francis Gurry, en désignant les bâtiments de l'OMC. Les États-Unis ont poussé les ATPIC dans cette enceinte, là où se négocient entre autres les échanges agricoles, les services financiers, le commerce de l'acier. Là où, en résumé, se déterminent les règles du commerce international. Dans cette enceinte, l'administration Clinton pouvait maîtriser le deal. Quelques promesses par-ci, quelques menaces par-là, et le traité a été signé. 10 ans après sa ratification, les États-Unis et l'Europe commencent à peine à envisager de toucher à leurs barrières agricoles. Les ATPIC, en revanche, installent progressivement un ordre mondial de la propriété de l'immatériel. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, conseiller économique de Clinton à l'époque, affirme aujourd'hui qu'il était en désaccord avec ce traité. Il allait interdire l'accès des pays pauvres aux médicaments. Je le trouvais tout aussi mauvais pour la science américaine, car il n'était pas équilibré, mais dicté par l'industrie américaine des loisirs et de l'industrie pharmaceutique. Bienvenue dans le monde de la diplomatie internationale. Le durcissement de la propriété intellectuelle s'est donc tout d'abord imposé dans ces instances, sous la pression des États-Unis soucieux de défendre leurs industries de la connaissance et de la culture, sans se préoccuper de l'équilibre du régime. C'est là que s'est affirmée l'idée d'une propriété intellectuelle à sens unique, où seuls dominent les intérêts des titulaires de droit, une conception aujourd'hui défendue avec opiniâtreté par ses affidés, en dépit des efforts entrepris par les partisans d'un rééquilibrage qui souhaitent un contrôle démocratique des offices de brevets, devenus de vulgaires chambres d'enregistrement au service de leur clientèle, mais aussi une protection et un encouragement des projets de coopération ouverte dans le domaine de la connaissance et de la culture, ainsi qu'une préservation du domaine public. Ces efforts n'ont eu pour l'instant aucun résultat, comme le démontre le sort réservé à la pétition de juillet 2003 paraphée, entre autres par Joseph Stiglitz. Les signataires réclament à l'OMPI la tenue d'une conférence sur les mécanismes de création que sont les modèles ouverts et coopératifs, comme les logiciels libres ou la constitution de bases de données publiques du génome humain. Les premières réactions de l'organisation sont très favorables. Francis Gurry écrit à un journaliste de la revue scientifique Nature que l'organisation attend avec impatience et enthousiasme l'organisation de cette conférence. Cela n'ira pas plus loin. Les États-Unis menacent de déclencher une crise à l'OMPI. Quant à la directrice des relations internationales de l'Office américain des brevets, Lois Boland, elle précise que la mission de l'institution est clairement limitée à la protection de la propriété intellectuelle. Tenir une réunion dont le principal sujet est le renoncement à ces protections ou leur suppression semble aller contre cette mission. Il serait naïf de faire porter à la seule politique américaine la responsabilité de la situation actuelle. L'Europe, si elle ne montre pas la même agressivité, s'inspire bien trop dans ce domaine des positions américaines. Privatisation de la science ouverte par les brevets, défense inconditionnelle d'une version inéquitable du droit d'auteur, et plus généralement, vision impériale des droits de propriété intellectuelle. Les accords ATPIC ont été signés avec l'assentiment des Européens, qui y ont vu un levier de promotion de leurs propres industries culturelles et technologiques. Au niveau des États, la même tendance est à l'œuvre. N'a-t-on pas entendu l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, affirmer que télécharger de la musique sur Internet était aussi grave que de voler un disque dans un magasin, s'alignant ainsi sur les majors du disque et Hollywood.